De plus en plus, tu prends le train. Je ne sais plus quand tu reviens. Le beau début, la drôle de fin. Mais dis, où vont-ils donc les hommes quand ils s'en vont? Dans les hommes quand ils sont.